بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de se réunir afin d'étudier sa religion. Et comme nous venons de dire à l'instant, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun s'est mis en mouvement ce matin pour venir ici, à un moment où d'autres personnes vont s'adonner à des futilités, à des activités diverses, mondaines de ce bas monde. Chacun s'est déplacé pour venir à ce cercle-là, sachant que dans ce cercle, on va étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc remercions Allah subhanahu wa ta'ala et louons-le d'avoir ce sentiment et cette envie dans notre cœur de vouloir étudier sa religion. Car ce sentiment-là, comme lui l'a donné, subhanahu wa ta'ala, comme il est al-mu'ti, le donateur, il est aussi al-mani', c'est celui qui prive. Et il peut reprendre un bienfait après l'avoir donné, notamment quand il n'y a pas remerciement. Quand il n'y a pas remerciement de ce bienfait-là et que vient à la personne le sentiment selon lequel le bienfait qu'elle possède provient de sa force, de sa puissance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour ce serviteur, homme ou femme, va lui enlever ce bienfait-là afin qu'il médite et qu'il comprenne que seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui permettait d'appliquer ce qu'il faisait auparavant. Donc alhamdulillah, nous allons débuter, bihaoulillah azza wa jal, une série de cours concernant l'étude du fiqh, l'étude de la jurisprudence. Donc j'introduis d'une manière générale par les bienfaits de la science. Vous connaissez tous les mérites de la science, de la connaissance, de l'apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, est-ce que sont du même niveau, du même degré? Est-ce que sont équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sous-entendu, bien sûr, qu'ils ne sont pas du même niveau. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera parmi vous ceux qui ont reçu la science, ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Ceux qui ont reçu la science sont élevés par Allah subhanahu wa ta'ala, car ils portent ilmu sharia, ils portent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils portent en eux la connaissance du halal, du haram. Ils portent en eux la connaissance du chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont élevés dans ce bas monde avant de l'être dans l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi innama yakhsha Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Seuls les savants craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors des savants, certains craignent Allah subhanahu wa ta'ala, mais là véritable crainte complète, elle n'est possédée que par les savants, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala d'une part, mais aussi connaissent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autre part. Dans la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muawiyah radiyallahu anhu dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa salam dire Man yuridillahu bihi khayra yufaqihhu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Il lui apprend la religion. Il y a donc un sous-entendu, un sens, un mefhoum du hadith qui est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, il ne lui enseigne pas la religion, il ne le rend pas versé dans les sciences de la religion, comme disait Cheikh Ibn Baz rahimahullah par rapport à ce hadith-là. Le prophète alayhi salatu wa salam dit aussi dans un autre hadith authentique وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Celui qui emprunte un chemin pour obtenir une science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera par celui-ci, donc par ce chemin emprunté, un chemin menant au paradis. Et emprunter un chemin, ça peut être donc l'emprunter de manière physique en se déplaçant, mais aussi d'une manière sans déplacement physique, par le fait d'ouvrir un livre, par le fait d'écouter un dars, un audio, quelque chose en lien avec la science législative, le ilm shar'i. Tout ceci entre, inshallah, dans ce hadith-là. Et parmi aussi les grandes vertus des gens de science, c'est que parmi les signes de la fin des temps, c'est que la science disparaîtra. Et ça, ça suffit comme vertu, de savoir que la disparition de la science impliquera la fin de ce bas monde-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être adoré par l'ignorance. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas la science en l'arrachant donc des poitrines. Il ne fait pas oublier comme ça le Qur'an et la sunna aux savants. Mais c'est en reprenant l'âme donc des savants. Un à un, il les reprend jusqu'à ce qu'il ne laisse plus aucun savant. Alors à ce moment-là, les gens prennent à leur tête des ignorants. Donc des gens qui ne connaissent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne connaissent pas la aqidah, ils ne connaissent pas le fiqh, ils ne connaissent rien de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien connaissent une part mais ne sont pas donc des savants. Et alors à ce moment-là, ils leur posent des questions. Les gens posent des questions à leur tête. Et cela donc par ignorance, car ils ont une ignorance donc complexe, non pas simple. Car l'ignorance est le jahl. Et de deux parties, il y a le jahl murakkab. Donc l'ignorance complexe, c'est celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et il y a le jahl al-basit, qui est donc l'ignorance simple, qui est celui qui ne sait pas et que lorsqu'il est questionné, il dit « je ne sais pas ». Et ça en réalité, c'est une science, même dans son ignorance globale, de savoir qu'il ne sait pas. Et ces gens-là étant donc des ignorants complexes, donc doubles, ils répondent. Les gens leur posent des questions et ils répondent. فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Alors ils émettent des avis juridiques sans science. فَضَلُّوا. Ils se sont égarés donc eux-mêmes. وَأَضَلُّوا. Et ils ont égaré autrui. Le alim, le savant, c'est le combustible et c'est la vie de cette communauté. Car on ne peut amener une communauté, une société, un peuple à la réussite dans ce bas monde et l'autre sans être un savant. فَبِحَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. On va commencer donc l'étude du fiqh. Al-fiqh. Qu'est-ce que le fiqh? Le fiqh, c'est, donc dans la langue arabe, c'est al-fahm, la compréhension. C'est la compréhension. Mais nous, là, c'est dans le sens législatif, donc on va étudier cette science-là. Donc c'est la science qui est en lien avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou bien interdit en termes d'actes. D'une manière vulgarisée et simpliste, pour ne pas faire complexe. Donc la science, elle se divise d'abord en deux catégories. Il y a ilmul maqasid wa ilmul wasa'il. La science qui est donc un objectif et la science qui est un moyen. Et la science qui est un objectif, elle se divise en deux catégories. Al-aqaid, al-aqida, la croyance, et al-fiqh, la jurisprudence. Tout ce que l'on apprend dans la religion, c'est pour cela. C'est pour authentifier notre aqida et c'est pour authentifier donc notre manière de se comporter. Quand je veux dire manière de se comporter, c'est pas simplement en termes d'akhlaq, mais c'est authentifier notre ibadah, notre adoration. Authentifier notre manière de se purifier, authentifier notre prière, authentifier notre jeûne. Donc le ilm que l'on va Inch'Allah étudier, c'est le fiqh. Donc ça, il faut le comprendre. On ne va pas voir l'aqida ici. On ne va pas étudier l'aqida. Parfois, on va ouvrir des parenthèses sur l'aqida. On va faire des liens, car il y aura un intérêt à évoquer un point de l'aqida. Mais ce n'est pas l'objectif de ce cours-là. Et non plus la tazkiyah. Et non plus la purification de l'âme, du comportement. Ce n'est pas quelque chose que l'on va étudier de manière visée à travers les cours que l'on va faire ici. Et ces trois sciences-là, ce sont les trois sciences un peu mères, donc que l'on retrouve dans le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il s'est assis devant le prophète, alayhi salatu wa salam, il a questionné au sujet de l'islam. Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui a répondu, donc en lui donnant les cinq piliers de l'islam. Ensuite, il a interrogé sur l'iman, et le prophète, alayhi salatu wa salam, lui a répondu par les six piliers de la foi qui sont intérieurs. Alors que les cinq piliers donnés dans la première réponse, en réponse à l'islam, sont cinq piliers extérieurs. Ensuite, il a questionné sur l'ihsan, et il a donné la définition qui est d'adorer Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Donc l'explication de l'islam dans le sens du hadith de Jibril, c'est par l'étude du fiqh. Donc là, on va étudier l'islam dans le sens donné par le prophète alayhi salatu wasalam dans le hadith de Jibril. L'étude de Al-Iman, la foi donnée dans le sens du hadith de Jibril, c'est par la science de Al-Aqidah, la science de la croyance. Et l'étude du Ihsan, c'est par Al-Tazkiyah, c'est par la purification. Donc nous ici, on va aborder donc l'étude donc du fiqh, et non pas de l'aqidah, et non pas de l'ihsan. J'espère que cette notion est comprise, Inch'Allah. Donc la science du fiqh, comme nous avons dit, c'est l'étude, donc d'une manière assez simpliste, de ce que nous devons faire, ou bien délaisser en termes d'actes. Donc nous allons étudier comment faire notre purification, comment faire notre prière, comment faire notre jeûne, ces différents domaines-là. Les sahaba radiyallahu anhum donc ont étudié cette science-là directement auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous savez, donc transmet les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala donc à l'humanité. En l'occurrence aux sahaba radiyallahu anhum à son époque, ce sont eux qui ont répondu donc à son message. Et leur a enseigné à travers donc le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la première source, ça c'est à retenir, source numéro 1, le livre d'Allah, et à travers donc sa sunnah, qui est la seconde source, il leur a enseigné comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les sahaba radiyallahu anhum avaient devant eux le prophète alayhi salatu wa salam, qui récitait les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui leur citait aussi donc des hadiths, qui leur citait des paroles, qui leur parlait. Donc les paroles du prophète alayhi salatu wa salam sont une partie de sa sunna. Le prophète alayhi salatu wa salam a aussi fait des actes. Il a fait des actes. Et dans l'adoration, les actes du prophète alayhi salatu wa salam relèvent de la sunna. Ça de manière consensuel dans la ibadah. Et ils imitaient aussi donc les actes du prophète alayhi salatu wassalam. Ça aussi c'est une partie de sa sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wassalam aussi a approuvé des comportements ou bien des paroles qui se sont faits donc sous sa lieutenance, donc devant lui, alors qu'il était dans la capacité, si jamais cette parole ou cet acte aller à l'encontre de la législation islamique, de dire que c'est un munkar, de dire que ce n'est pas bien. Donc l'approbation du prophète alayhi salatu wassalam faisait que cet acte ou cette parole dit, donc en sa présence, devenait à son tour une sunna. Donc la source numéro 1 du fiqh, de la jurisprudence en islam, c'est le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'étudie lui aussi de manière détaillée dans une science qui s'appelle Ulum al-Qur'an. Ulum al-Qur'an. La sunna, qui est donc la deuxième source, est composée des trois donc sous-parties que je vous ai citées à l'instant. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont donc la première partie de sa sunna et la plus forte. La seconde, ses actes. La troisième, ses approbations. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam a approuvé comme acte ou comme parole qui ont été fait devant lui et qu'il n'a donc pas réprimandé, reproché à celui qui les a dites ou faites. Ça c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont les deux sources mères. Troisième source, qui est aussi une source donc sur laquelle il n'y a pas de divergence, c'est ce qu'on appelle al-ijma', le consensus. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La tajtami'u ummati ala dalala »« La tajtami'u ummati ala dalala » »« Ma communauté ne se réunit pas sur un égarement. » Et que veut dire le prophète alayhi salatu wassalam par « ma communauté » ici? Ce sont les savants de sa communauté. Donc lorsque les savants d'une époque sont en accord sur une notion jurisprudentielle, ou bien même de aqidah, Et quand on veut dire les savants, ce sont les mujtahid, ce sont les gens qui sont au plus haut degré, donc de ilm, qui sont dans la capacité d'extraire ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, ainsi que son prophète du Coran et de la Sunna, sans imiter qui que ce soit. Donc ce ne sont pas des muqallidoun, ce ne sont pas des imitateurs, donc comme nous par exemple, ce sont des mujtahid. Donc lorsque cette catégorie de savants se met en accord sur un point, ce point-là devient une hujja, une preuve. Donc ce point-là devient une preuve. Bon, j'ai résumé de manière extrême, parce que c'est un point qu'on étudie dans les sources jurisprudentielles, dans Usul al-Fiqh, donc qui s'étudie de manière plus détaillée, mais nous nous passons assez rapidement pour avoir simplement une vue générale et une introduction assez brève pour comprendre certains termes qui seront utilisés lors des cours, Inch'Allah. Et ensuite, on a comme quatrième source, Al-Qiyas, le raisonnement analogique. Le raisonnement analogique qui s'étudie lui aussi donc dans la science de Usul al-Fiqh, qui comporte quatre piliers, je passe assez rapidement. Al-Asl, le fondement. Al-Far'a, la ramification. Et Al-Illatul Jami'a, donc la cause qui est transversale donc à la ramification et à la base, et le hukm qui est le statut de la base que l'on va attribuer à la ramification. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vin dans le Coran. Donc le vin, c'est l'asl, c'est la base. Le hukm, le statut, c'est at-tahrim, l'interdiction. Le vin, il est haram. On est d'accord. Ensuite, on a une forme de boisson qui est an-nabidh, qui sont des liqueurs qui se faisaient déjà au temps du prophète alayhi salatu wasalam, et ensuite, qui consistaient à faire macérer par exemple des raisins dans de l'eau et à laisser cela fermenter, et ça formait une liqueur. Et les savants ont divergé à ce sujet-là. Mais cette divergence n'est plus acceptable, elle est extrêmement faible. Certains savants donc du Mazhab Hanafi disent que ce type de boisson est haram, mais la majorité écrasante, et c'est la parole authentique sur laquelle il n'y a strictement aucun doute, c'est que ce type de boisson est haram. On n'a pas de texte disant que cette boisson-là est haram. Comment arrive-t-on à donner ce statut qui est haram? C'est interdit. On ne peut pas comme ça, par goût, par envie. Donc c'est par le qiyas. Donc par raisonnement analogique, sur quel asl, sur quelle base, le vin? On va attribuer donc le statut haram à la liqueur, le nabidh. Par quelle illa, cause jami'a, qui est transversale à la base et à la ramification, c'est al-iskar, le fait de rendre ivre. Donc, le vin provoque l'ivresse. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu interdit? Parce qu'il provoque l'ivresse. C'est ça, sa illa. Et on retrouve cette chose-là, on le retrouve dans al-nabidh, dans les liqueurs. On le retrouve dans ce type de boisson. Donc, on va interdire cette boisson-là en raisonnant sur le vin, en lui attribuant le même statut qui est haram, par la illa, la cause jami'a, qui est donc commune à ces deux notions-là, qui est al-iskar, le fait de rendre ivre. Donc je rappelle les quatre sources majoritaires du fiqh. Il y en a d'autres, mais on les passe parce qu'à notre niveau, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Source numéro 1, le Qur'an. Source numéro 2, la sunna, qui se divise en trois catégories. Les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, les actes du prophète, alayhi salatu wassalam, les approbations du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Source numéro 3, Al-Ijma', qui est le consensus des mujtahid, donc des savants capables d'extraire ce que Allah veut, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam, du Coran et de la Sunna, sans suivre autrui. Donc ce ne sont pas des muqallidoun, des imitateurs. Lorsque cette catégorie de personnes se met d'accord à une époque donnée sur une notion, cette notion devient donc ce statut devient une hujja. Quatrième source, Al-Qiyas, le raisonnement analogique, qui est donc composé des quatre piliers que nous avons cités précédemment. Donc ça, c'est d'une manière générale les sources jurisprudentielles. Ce texte-là, c'est un texte comme on va le voir, que l'imam al-Muwaffaq ibn Qudama al-Maqdisi, qui était un savant du 6e siècle, un éminent savant du madhhab Hanbali, un mujtahid, rahimahullah, a écrit pour les débutants. Il a écrit pour les débutants, et on va le voir dans l'introduction de l'imam rahimahullah. Donc on va lire l'introduction aujourd'hui, simplement, et faire quelques commentaires. Et ensuite, inshallah, la semaine prochaine, on commencera le chapitre de la purification. Bi-iznillahi azzawajal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahli alhamdi wa mustahiqih. Hamdan yafdulu ala kulli hamd. Kafadlillahi ala khalqih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadata qaimin lillahi bihaqqih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد رعد ببرقه. Ça, c'est la première partie de son introduction, dans laquelle il dit: la louange est à Allah, digne de louange et la méritant, une louange qui surpasse toute autre louange, comme Allah subhanahu wa ta'ala donc surpasse sa création. Une louange ayant un mérite supérieur à toute autre louange, comme est le mérite d'Allah sur sa création. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul, sans associé. L'attestation de quelqu'un pratiquant le droit d'Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, sans aucun doute concernant sa véracité, et qu'Allah prie et fasse miséricorde, la bénédiction d'Allah et sa prière sont sur Muhammad et sa famille et ses compagnons, tant qu'un nuage fait descendre la pluie, tant qu'un nuage fait descendre la pluie, et que donc le tonnerre gronde de par sa foudre. Donc ça, c'est la première introduction du shir, bismillahirrahmanirrahim. Les paroles sur la basmala sont connues, hein, il faut revenir vers d'autres shuruh, biznillah azawajal, d'une manière donc assez résumée. Les savants commencent donc leur livre par ces expressions, en prenant comme modèle le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a commencé son livre par l'expression bismillahirrahmanirrahim. De même, tous les chapitres, sauf at-tawbah, donc le repentir, tous les chapitres du Qur'an comportent donc l'expression bismillahirrahmanirrahim. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivait donc des lettres de prêche, de da'wah au gouverneur ou autre, dans lesquelles il commençait donc ces messages-là par bismillahirrahmanirrahim. Donc bismillah, au nom d'Allah. Ar-Rahman, ça c'est ala wazni fa'lan, illadhina yafhamuna al-arabiyya, c'est selon la construction fa'lan, comme radban. Radban, c'est, il y a dedans, on comprend radab, qui veut dire colère, c'est-à-dire plein de colère. Shab'an, on entend dedans le shiba, qui est le fait d'être rassasié. C'est celui qui est complètement rassasié. Atchan, atash. Shab'an, shab'a. Atchan, atash. Qui est la soif. Atchan, c'est quelqu'un qui est plein de soif, qui a beaucoup de soif. Rahman, c'est celui qui est plein de rahma. Subhanahu wa ta'ala, complet dans sa rahma, plein de rahma subhanahu wa ta'ala. Et ar-Rahman, ça renvoie à la qualité. Ar-Rahim, ça renvoie à l'acte. Ar-Rahim, c'est celui qui atteint autrui par sa rahma. Donc ar-Rahman, c'est la qualité. Ar-Rahman, c'est le fi'l, l'acte. D'autres disent ar-Rahman, c'est la miséricorde donc générale pour les musulmans et les non-musulmans et les mécréants. Et Ar-Rahim, c'est celle qui est spécifique aux musulmans. Mais la première explication, Wallahu A'lam, paraît plus authentique. Alhamdulillah. Alhamdulillah, la louange est à Allah. Alhamdu. Donc, qu'est-ce que c'est dans la langue arabe? C'est As-Sana'u. C'est l'éloge. Bil-Jamil, d'une bonne manière. C'est la belle éloge. Donc, Al-Mahmoud, sur celui à qui on fait une éloge. Al-Wajhi Ta'zim wal-Mahabba, par vénération, et aussi donc en donnant de l'importance à celui que l'on loue, et avec amour. Et aussi avec amour. Donc les éloges que font certaines personnes à des gens qu'ils n'aiment pas, votre majesté, par exemple, certains font ça, disent cette expression à un roi qu'ils détestent. Est-ce que ça rentre dans le Alhamd? Non, parce que ce n'est pas mélangé à l'amour. Ça entre dans Al-Madh en arabe. Donc Alhamdu. Alhamd, donc c'est l'éloge à quelqu'un, donc ici à Allah subhanahu wa ta'ala, par amour et vénération. Alhamd yakunu fi muqabalati ihsan aw kamal. Le hamd, il est en réponse d'une complétude ou bien d'un bienfait reçu de celui dont on fait l'éloge. Quand on fait alhamdu lillah, na'am, c'est en raison des bienfaits que l'on reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est clair et la plupart des gens sont clairvoyants à ce niveau-là. Ils font alhamdu en raison du fait qu'il les a créés, en raison du fait qu'il leur a donné la vie, des enfants qu'il leur a donné, de la santé qu'il leur a donné, de l'argent, de la nourriture, la boisson, les vêtements, les maisons, etc. Ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala fi muqabalati ihsan. Donc en réponse à un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Mais il y a un autre hamd qui est pourtant normalement pas plus subtil, hein, qui n'est pas plus subtil, mais qui bien au contraire est bien plus est tout aussi important que le premier, c'est Alhamdu fi muqabalati kamal. C'est-à-dire que tu fais la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de ce qu'il est lui. Tu fais Alhamd d'Allah en raison de ce qu'est Allah. D'où le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu loues Allah parce qu'il est Allah. Parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le Tout Miséricordieux, parce qu'il est l'Omniscient, parce qu'il est l'Omnipotent, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sabour, le Tout Patient, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est qualifié comme il s'est qualifié dans le Coran. Hein? Du fait de ses noms et de ses attributs, parce qu'il a Al-Kamal, parce qu'il est qualifié de complétude, subhanah, parce qu'il est l'unique. En raison de sa wahdaniya, de son unicité, subhanahu wa ta'ala, tu fais sa louange. Et ce hamd, quand on le dit, et on le dit de nombreuses fois, par exemple, lorsque, après l'utas, après avoir éternué, on dit alhamdulillah. Après avoir mangé, alhamdulillah, illadhi at'amani hadha, wa razaqanihi min ghayri hawlin wa la quwwa. Lorsque je me réveille le matin, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Combien de hamd on fait? Ce hamd, hein, il faut qu'il soit en lien avec le cœur. Pas seulement un hamd de la langue. Un hamd mélangé à notre connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un mélangé à ta connaissance d'Allah. Un hamd profond. Que ce soit une louange profonde, digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça qu'il a dit Alhamdulillahi ahlil hamd. Ici Ibn Qudam al-Maqdisi, il a dit la louange est à Allah qui est digne de la louange. Qui est digne de la louange. Ça renvoie à quoi? Fi muqabalati ihsan. Il est digne de la louange de ce qu'il est lui-même. Même il ne me donne que des maladies. Il me donne tout ce qu'il me donne. La pauvreté, il m'enlève tout ce que j'ai. Il mérite subhanahu wa ta'ala la louange. Parce que s'il n'a pas donné à moi, il a donné à autrui. Wa mustahiqi. Et aussi, il est méritant. Na'am, il est méritant. Bien sûr qu'il mérite. Après tout ce qu'il nous a donné, subhanah. Ne mérite-t-il pas d'être loué comme il se doit? Hamdan yafdulu ala kulli hamd. Il a dit, je le loue, une louange qui est supérieure à toute louange. Kafadlillahi ala khalqi. Telle est la supériorité, tout comme est la supériorité d'Allah sur sa création. Donc ce n'est pas une supériorité qui est mesurable. C'est une supériorité infinie. Il n'y a pas de comparaison possible entre Allah subhanahu wa ta'ala et la créature. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. On peut y rester 10 assises. Allah. Wa ashhadu. وأشهد الشهادة ضد الغيب. الشهادة dans la langue arabe c'est le contraire de l'invisible. أشهد, j'atteste. Ça aussi c'est une expression qu'il ne faut pas dire par routine. C'est une expression, si on l'a dit par méditation, hein, qui fait revivre la foi, qui la renforce, qui l'augmente. Combien de fois on l'a dit? celui qui fait l'adhan, celui qui prie, on l'a dit dans le tashahhud médian, de manière obligatoire, on l'a dit aussi à la fin, dans le tashahhud final, aussi de manière obligatoire, hein, cette shahada, ash-shahadu à la première personne, c'est toi qui atteste. Wa ash-shahadu, j'atteste. C'est-à-dire comme si je voyais. Car il y a un lien entre le sens législatif de la shahada. On l'a vu ça dans l'Usul Thalatha, qu'est-ce que la shahada? C'est pas la shahada d'Iblis? Iblis aussi, il atteste qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah. Si on lui demande s'il y en a un deuxième, troisième, non. Il ne dira pas ça. Mais est-ce que c'est la shahada législative? Non. Visée par les hadiths? Non, ce n'est pas celle-là. Donc c'est une connaissance intérieure qui n'implique pas l'action, comme on va le voir, il va le citer ça. Cheikh Ibn Qudama, mais avec des subtilités. Wa ashhadu, et donc j'atteste comme si je voyais. Avec toutes les conditions de la shahada. Le ilm, et le mot shahada dans la langue arabe, il induit le ilm. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire un témoignage, une attestation dans un tribunal, il ne va pas la faire par ignorance. Hein? Donc ça induit le ilm, ça induit aussi le yaqin, la certitude, as-sidq aussi, la véracité. La véracité. Al-ikhlas, la véracité, on va voir ensuite qu'est-ce que c'est. Al-ikhlas, la sincérité. Al-mahabba, l'amour, aimer les gens de la shahada, aimer les gens du tawhid, aimer les musulmans. De même, al-qaboul, accepter tout ce qui a été apporté par Allah et le prophète alayhi salatu wasalam. Et al-inqiyad, se soumettre en appliquant ce qui a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam. Wa ashhadu an la ilaha. Donc j'atteste qu'il n'y a pas de divinité, qu'il n'y a pas de ilah. Al-ilah, c'est al-ma'louh. الذي تألهه القلوب الإله c'est celui vers qui s'orientent les cœurs محبة وتعظيم par amour et vénération. Donc cette orientation, elle implique ce qu'on a dit auparavant, et elle va impliquer quoi? L'adoration. الإله c'est le معبود, c'est celui qui est adoré. لا إله c'est la معبودة بحق. Donc لا إله, pas d'adorer illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a deux piliers dans la shahada. An-nafyu, l'infirmation, la ilaha, et la confirmation, illallah. Qu'est-ce qu'on confirme à Allah subhanahu wa ta'ala? Que c'est le seul digne d'être adoré. La sharika lah. Ça, c'est simplement un ta'kid, ça. C'est par insistance qu'on dit ça. Mais dans la ilaha illallah, il y a la sharika lah. Il n'y a pas d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala. Shahadata qa'imin lillahi bihaqqi. Ça, c'est important ce qu'il a dit. Il a dit, donc, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé. L'attestation de quelqu'un qui donne le droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas l'attestation des munafiq. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lorsque viennent à toi les hypocrites, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Ils disent par la langue, mais dans leur cœur, ils sont menteurs. Et lorsqu'il dit shahadata qa'imin lillahi bihaqqih, c'est aussi une réponse aux murji'a. Donc ils disent que les actes ne font pas partie de la foi et que celui même qui n'agit jamais, il entrera au paradis du moment qu'il a la croyance intérieure, comme a dit Jahm ibn Safwan et d'autres. Pourquoi? Car lui il dit qu'il dit une attestation de quelqu'un qui donne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la shahada a des droits. Hein, a des droits. Dont le plus grand est la prière. Dont le plus grand est la prière. Et ça, c'est le sidq. L'imam Ibn al-Qayyim, il dit qu'il y a un objectif et la route amenant à cet objectif. En madarij al-saliki. L'objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout son vis Allah, son agrément, le paradis. Et il y a la route menant à ça, c'est la sharia. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et chez les savants de la tazkiyah, le mukhlis, le sincère, c'est une notion qui est plus générale que le sadiq, le véridique. Tout véridique est sincère, tout sadiq est mukhlis. Tout véridique est sincère. Mais pas tout mukhlis est sadiq. Ce n'est pas tout sincère qui est véridique. Car certains visent Allah, il dit j'ai l'intention, vraiment, je veux Allah. Mais il ne prend pas le chemin. Le sadiq, c'est celui qui a mis en place l'objectif et qui emprunte le chemin menant à cela. ça qu'on trouve beaucoup plus l'éloge des sadiqines dans le Coran que des mukhlisines. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des mukhlisines, mais à comprendre comme étant les gens ayant pris le chemin aussi, le chemin menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Donc ça c'est la deuxième partie de la shahada. Et nous, notre aqida par rapport au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est que c'est le meilleur des prophètes et le dernier des prophètes. Il n'y aura pas de prophète après lui. Toute personne se déclarant prophète après lui est un mécréant, ou toute personne croyant qu'il y a un prophète après le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam de même est un mécréant. Et Isa alayhi salam, venant dans les derniers temps, viendra en tant que donc personne de cette communauté et agira selon la sharia du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Abduhu wa rasoulu, serviteur et messager. Nous, nous nous trouvons par rapport aux juifs et aux chrétiens dans une voie médiane. Nous ne sommes pas les juifs qui ont méprisé leurs prophètes au point de les tuer, comme ont fait certains, et nous ne sommes pas non plus les chrétiens qui ont mis Isa alayhi salam à un niveau qui n'est pas le sien, au niveau de la divinité, comme l'ont fait certains d'entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Certes, mécru ceux qui ont dit que Allah est le Messie, fils de Marie. Et ça, c'est une réponse à ces deux égarements. Abduhu, son serviteur, ça, c'est en réponse aux chrétiens. Muhammad alayhi salatu wa salam est un serviteur d'Allah. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Dit: je suis simplement un humain comme vous. Mais quelle est la différence? Je reçois une révélation. Donc, wa rasoulu, c'est une réponse aux juifs qui, eux, ont méprisé. Donc, par rasoul, on met le prophète alayhi salatu wa salam, donc à un niveau qui n'est pas le nôtre, parce qu'il reçoit une révélation. Ça, c'est en réponse aux juifs qui ont tué certains de leurs prophètes. Abduhu, c'est en réponse aux chrétiens qui, eux, ont exagéré, qui sont tombés dans le rouleau par rapport au statut de Isa alayhi salam. Ghayra murtabin fi sidqi, n'ayant aucun doute dans la véracité du prophète alayhi salatu wa salam. Na'am la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est simplement une révélation révélée. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah donc prie sur lui. Sallallahu alayhi as-salatu, la salat d'Allah sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il y a beaucoup de paroles à ce niveau-là. Beaucoup de savants disent, souvent disent que la parole la plus authentique c'est celle d'Abu al-Aliya, qui a été rapportée dans le Bukhari, que c'est Thana'ullahi ala rasulihi fil mala'il a'la, que c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans les cieux, auprès de ceux qui sont avec lui, les anges, s'est rapproché sur le prophète alayhi salatu wa salam. D'autres disent que c'est la rahma, et il s'appuie donc sur l'essence linguistique. Et d'autres disent que ce n'est pas la rahma, notamment par rapport au verset d'Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit donc sur une catégorie de personnes: ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma. Telles sont des personnes sur lesquelles ils auront des salats de leur Seigneur et rahma, et une miséricorde. Et le waw en arabe à la base, cette conjonction de coordination, et et en français, wa rahma, elle induit al-murayara, la différenciation entre ce qui est après le waw et avant le waw. Donc si Allah a dit salawat wa rahma, ce n'est pas pour répéter simplement. Il n'y a pas un réel intérêt de dire qu'ils ont des salawat, des prières, et des rahma, et si rahma est le synonyme de salawat. Ala kulli hal, fiha khair, salatullahi ala al-abd, salatullahi ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam, wa ala alihi, et sur alihi. Là aussi il y a deux paroles chez les savants. Alihi, est-ce que c'est la famille du prophète alayhi salatu wa sallam, ahlul bayt, ou bien est-ce que ce sont les poursuivants du prophète alayhi salatu wa sallam? Ala qawlain, il y a deux paroles chez les savants. Wa sahbihi, et ses compagnons. On a donné la définition d'un compagnon, c'est qui? Du vivant. Qui me donne les trois donc composantes d'un compagnon? Celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a rencontré, on a dit. Sinon, si on dit celui qui a vu, on va sortir les aveugles. Ouais. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a adhéré en ça. Qui a cru en lui. Qui est mort comme ça. Si l'apostasie, ce n'est pas un compagnon. غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بوطقه tant qu'un nuage fait descendre la pluie وما رعد رعد ببرقه et tant que donc le tonnerre fait donc du bruit de par sa foudre. Ça, c'est des expressions pour montrer les nombreuses prières d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète que demande le shir. Amma ba'd, cette expression-là, c'est une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisée. Et la sunna, c'est amma ba'd, c'est pas wa ba'd. Elle se dit une fois, pas deux, comme font certains. Je lis en arabe ce paragraphe, après je le traduis. Amma ba'd, fa hadha kitabun fil fiqh. Ikhtasartuhu hasba al-imkan, wa ikhtasartu fihi ala qawlin wahid, liyakuna umdatan liqari'ih, fala yaltabisu s-sawabu alayhi bi-ikhtilafi al-wujuh wal-riwayat, sa'alani ba'du ikhwani talkhisah, liyakruba ala al-muta'allimin, wa yashula hifdhuhu ala al-talibin, fa ajabtuhu ila dhalik, mu'tamidan ala Allah subhanahu fi ikhlasi al-qasdi al-wajhi al-karim, wal-ma'unati ala al-wusuli ila ridwanihi al-azim, wa huwa hasbuna wa ni'ma al-wakil, wa awda'tuhu ahaditha صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. أما بعد ensuite, certains ont dit que le premier à avoir dit ça c'est Ali, c'est faux puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans des hadiths authentiques, et d'autres ont dit que c'est Daoud alayhi salam, le prophète Daoud alayhi salam, Allahu a'lam. Ces choses là on n'a pas de délil clair à ce niveau là. فهذا كتاب في الفقه, ceci est un livre dans le fiqh. اختصرته حسب الإمكان, je l'ai résumé autant que possible. Et je me suis restreint à donner une seule parole. Donc il n'y aura pas de divergence ici. Nous, parfois, on apportera autant que possible, on s'éloignera de la divergence, mais parfois on en apportera s'il y a un intérêt. Donc je l'ai résumé et je n'ai mis qu'une parole, qu'un seul avis, donc dans ce texte-là, afin que ce soit un point d'appui pour celui qui le lise. Qu'il le lise. فَلَا يَلْتَبِسُ الصَّوَابُ عَلَيْهِ بِاخْتِلَافِ الْوُجُوهِ وَالْرِوَيَاتِ, afin que donc la vérité, le bon avis ne soit pas, ne se mélange pas à autre chose, hein, du fait des différents avis et des différentes versions. سَأَلَنِي بَعْدُ إِخْوَانِي تَلْخِيسَ, donc certains de mes frères m'ont demandé donc de l'écrire, de faire ce résumé là لِيَقْرُبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ وَيَسْهُلَ حِفْظُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ, et afin que aussi l'apprentissage par cœur de ce texte-là soit facile pour les étudiants. Et na'am, les étudiants, avant comme aujourd'hui, apprenaient par cœur ces textes-là, bien sûr après le Coran, après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'avoir ce qu'on appelle al-malakatu al-fiqhiyya, afin d'avoir une aisance dans le fiqh. Car quand tu ne connais pas par cœur, tu n'as pas d'expression préenregistrée. Et tu n'as pas donc la capacité souvent de répondre d'une manière assez naturelle et spontanée. Et la science, c'est ce que tu connais par cœur. Hein, comme on dit beaucoup de célèbres, ta science, c'est ce qui entre avec toi aux toilettes. Mais quand tu dois revenir vers un livre ou autre, ça, ce n'est pas du ilm. Donc certains de mes frères m'ont demandé de l'écrire. Et là, qu'est-ce qu'on tire de ça? C'est que les savants, rarement, ils écrivaient d'eux-mêmes, les premiers savants, comme aujourd'hui beaucoup. Rarement ils écrivaient d'eux-mêmes. Souvent c'était les gens qui leur demandaient, après une longue insistance, le savant donnait son accord et donc répondait à l'appel des frères qui voulaient de sa part un texte. Car les gens savaient qui étaient les gens de science à l'époque. Hein, ce n'était pas n'importe qui prenait sa plume et qui écrivait. Hein, comme c'est le cas aujourd'hui, les gens ils ont un master, ils écrivent des livres, ils écrivent des encyclopédies en 7, 8, 10 volumes. Et dedans ils se contredisent. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que certains savants conseillent de ne même pas acheter les livres des contemporains. Si ce n'est celui dont l'imam, c'est-à-dire le statut et l'enracinement dans la science, est connu comme des grands savants de cette époque-là, hein, qui ont laissé un grand héritage, comme Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, ça c'est des gens, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, notamment dans la science du hadith, c'est des gens qui ont vraiment marqué leur temps et laissé une science importante. Donc les gens n'écrivaient pas d'eux-mêmes. Si jamais ils écrivaient d'eux-mêmes tout le temps, ils écrivaient parfois d'eux-mêmes, c'est-à-dire spontanément, mais s'ils écrivaient tout ce qu'ils voulaient, ils auraient laissé des milliers et des milliers de livres. Et malgré le fait qu'on souvent leur demandait d'écrire, ils ont laissé beaucoup de choses. Et c'est aussi des gens qui faisaient très attention à leur ikhlas et surveillaient leur cœur. Et ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de doute que les anciens, dans leurs époques, il y avait beaucoup plus de ikhlas de manière générale qu'aujourd'hui. On vit une époque qui est corrompue. Combien de gens entendent des salafs, ils ont écrit un livre complet, quand il a fini, il l'a enterré. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ma aratu bi wajha Allah. Il a dit, j'ai pas recherché le visage d'Allah. Il l'a enterré. Les gens avaient peur de d'écrire et d'arriver yom al-qiyama. Pourquoi tu as écrit ce livre? En enfer. Il a répondu, comme c'était le akhlaq des savants, et toujours aujourd'hui, de répondre quand ils peuvent, ils en ont le temps, notamment quand il y a un intérêt. Mu'tamidan 'ala Allah subhanahu fi ikhlas al-qasd li wajhi al-karim. M'appuyant, m'en remettant à Allah subhanahu dans la sincérité quant à mon objectif, quant à ma visée. Hein, la visée de son visage al-karim, honorable. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité. Et la sincérité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile que la sincérité. Hein, car c'est un secret. C'est un secret que Allah subhanahu wa ta'ala a. Qui n'est même pas entre toi et Allah. Comme on dit beaucoup, من رأى إخلاصا في إخلاصه احتاج أو من رأى إخلاصا في عمله احتاج إخلاصه إلى إخلاص. Celui qui voit de la sincérité dans sa sincérité ou bien dans ses œuvres, il a besoin encore de sincérité. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère et de vraiment rechercher son visage. وَالْمَعُونَةِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى رِضْوَانِهِ الْعَظِيمِ. Et je demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'atteindre donc son agrément immense. Et c'est ça que l'on recherche. Et c'est ce qu'ont obtenu les compagnons radiyallahu anhum. Allah a dit radiyallahu anhum wa radouhan. وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Allah donc me suffit, il nous suffit. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui s'en remet à Allah, il lui suffit. وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Et quel meilleur protecteur. Et c'est l'expression, comme vous savez, qu'a dit Ibrahim alayhi salam avant d'avoir été jeté dans le feu. وَأَوْدَعْتُهُ أَحَادِيثَ صَحِيحَةً تَبَرُّكًا بِهَا. Et j'ai mis dedans donc les hadiths sahih. Dans ce texte-là, il dit تَبَرُّكًا بِهَا, afin d'en rechercher la bénédiction. Donc il a mis des hadiths authentiques. Et ça, c'est une des vertus de ce texte-là. Car les textes, à la base, ils ne comportent pas de hadith. Les textes des autres madhhab, et même du madhhab Hanbali, ils ne comportent pas de hadith. Et il a, entre guillemets, il a innové dans le sens linguistique, pas législatif, dans cette porte-là, en mettant des hadiths, rahimahullah, tabarruken biha, en recherchant la baraka. Et na'am, il y a de la bénédiction dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, dans le Coran, dans les hadiths. Wa'atimadan alayha. Donc, il a mis des hadiths pour chercher la baraka et aussi pour s'appuyer sur ces hadiths-là. Car les paroles du shaykh ne sont pas un objectif et ne sont pas une preuve en elles-mêmes. Et la preuve, elle est seulement uniquement dans le Coran, la sunna, l'ijma', l'qiyas sahih, et dans le bon raisonnement et les autres preuves. Wa'ja'altuha min as-sihahi li'astaghniya 'an nisbatiha ilayha. Et donc, il a mis des hadiths qui sont authentiques, min as-sihah, donc de Bukhari et Muslim, afin de ne pas dire. Hein, qui a rapporté donc ces hadiths-là. On en a terminé l'introduction. Inch'Allah, la semaine prochaine, on commencera, bi'ithnillah, le chapitre donc de Tahara, la purification, bi'ithnillahi azza wa jal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.